a qui jouent les maestros, d'autres vont les applaudir, y en a qui créent une vitro. Faut-il les interdire, y en a qui vivent dans les bistrots, boivent jusqu'à s'étourdir, y en a qui dorment dans le métro, il ne faut pas les maudire, y en a qui écoutent de l'électro, trop fort à s'assourdir, y en a qui sont toujours trop, et on ne peut les contredire, y en a qui ont un look rétro, certains s'amusent à s'en les dire, y en a qui parlent trop, et qui n'ont rien à dire. Y'en a qui vont se travestir, d'autres passent inaperçus, y'en a qui savent mentir, habillés de beaux tissus, ils vont te garantir qu'ils n'auront rien perçu. Y'en a qui sont de vrais martyrs et qui se font marcher dessus. Y'en a que le regard attire, y'a des aveugles et des bossus. Y'en a qui essayent de bâtir sans un plan préconçu. Y'en a que le soleil va rôtir, d'autres portent un par-dessus. Y'en a qui rêvent de partir et certains reviennent déçus. Un démon les ensorcelle, ils sont devenus comme des mythes. Plus de valeurs universelles, y'en a qui c'est de la dynamite. Ils risquent de faire des étincelles, y'en a qui rongent comme des termites. Leur pays, ils le morcellent. Y'a des fous, des adamites, qui se mettent nus et qui chancellent. Y'en a qui vivent en ermite et qui jouent du violoncelle. Y'en a que l'écran délimite toute leur vie en pixels. Y'en a qui, dans les Dolomites, rêvent de venir à Bruxelles. J'avais envie d'écrire, quel que soit le tableau, il y a beaucoup de choses qu'on peut guérir. Chantons ensemble en trémolo, regardons les enfants rire, car on est tous en même bateau. On ne peut pas rajeunir, quelle que soit notre couleur de peau, on sait tous qu'on va mourir.